Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Je ne serai plus condamné. Jésus m'a lavé par son sang. Voilà pourquoi je suis heureux. Il m'a béni, il m'a béni. Il m'a donné un cœur nouveau. Tout mon passé est effacé. Voilà pourquoi je le glorifie. Oh, il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Je ne serai plus condamné. Jésus m'a lavé par son sang. Voilà pourquoi je suis heureux. Oh, il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a béni. Il m'a donné condamné. Voilà pourquoi je chante pour Jésus, je le suivrai toute ma vie. Oh, dans son amour, dans son amour, il m'a béni, il m'a béni, il m'a donné un cœur nouveau. Jésus m'a sauvé, tout mon passé gommé, il m'a donné la paix. Voilà pourquoi je le glorifie. Oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Je ne serai Coucou. Tout mon passé, coucou, commis.